Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 48e numéro du mag, un mag durant lequel on va revenir sur l'actualité des comics en VO et en VF, mais également du côté des adaptations télé et cinéma de comics. Exceptionnellement, on vous parlera même de jeux vidéo, on reviendra sur le comics VF de la semaine, et comme d'habitude depuis le début de Rebirth, après le générique, on vous parlera des comics VO de la semaine, qui sont donc les singles Rebirth, sortis mercredi. Je suis Mathieu, et vous allez écouter le 48e numéro du mag. Et avec moi aujourd'hui, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. Et ben, quelle introduction, c'est en fait des choses à annoncer. Alors, on va commencer sans tarder avec la télé. On aurait pu vous parler de plein de trucs de Kevin Smith qui, après avoir dit qu'il voulait scénariser Arrow, maintenant il a envie de réaliser des épisodes de Daredevil et de Defenders. Il a fait. Ouais, il est à fond sur les séries de comics. De Legends of Tomorrow qui a engagé une nouvelle Vixen pour la saison 2. Donc, nouvelle actrice pour le rôle du même personnage. C'est pas le même personnage. Ah, c'est pas le même acteur. C'est pas le même dans le sens où, effectivement, c'est pas la même qui portera le collier, mais voilà. C'est une autre version. C'est ça. Ah, d'accord. Genre du futur ou du passé. Ou d'une dimension ou d'un univers parallèle. Voilà. De The Walking Dead qui a été la saison dernière et c'est définitif maintenant le show le plus tweeté sur Twitter, forcément, puisque c'est tweeté. De la New Justice League Action, enfin la Justice League Action qui a eu ses caractères, ses personnages dévoilés officiellement cette semaine dans un style très proche de ce que pouvaient nous proposer les séries animées de bon Steam. Donc à suivre plus tard, c'est la nouvelle série animée Justice League Action. D'accord. Qui va arriver bientôt. Mais on avait d'autres choses à vous dire et notamment une nouvelle adaptation en vue, encore une, Scarlett. De Brian Michael Bendis et Alex Maleev qui arriverait sur HBO. Donc, première série comics pour HBO. Oui, en tout cas, c'est en développement. J'étais en train de réfléchir, mais effectivement, oui. Enfin, voilà, en tout cas, c'est en développement pour le moment et on verra pour la suite. C'est Bendis lui-même qui l'a dit et pas HBO. C'est ça. Donc, ouais, donc, peut-être quelque chose à San Diego pour annoncer quelque chose d'un peu plus officiel. Tu sais, peut-être que ça ne sera qu'après une série pour remplacer Game of Thrones, qui va pas tarder à se terminer. Enfin, bon, il y a au moins deux ans. Ouais, ça laisse le temps. Mais c'est pareil, HBO, il y avait une rumeur d'une série Watchmen en développement. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On n'a plus trop de nouvelles de ça, mais bon, ouais. Les dernières. Mais ça fait un peu plus sens puisque HBO appartient plus ou moins. Il y a une cousine lointaine de Warner, donc ça tient peut-être un peu plus la route que Marvel. Ouais. À suivre, en tout cas, de toute façon, que ce soit pour Watchmen ou pour Scarlett, voilà, il n'y a rien de plus que des développements. Et ça bouge aussi du côté de Supergirl. Youhou. Ouais. Et ben, Arnaud, puisque tu étais le premier à t'exprimer, est-ce que tu veux bien nous dire qui rejoint le cast de personnages? Bon, on parle pas des acteurs, on parle bien des personnages hein, qui ont été annoncés beaucoup, cette semaine. Beaucoup de personnages. Déjà, il y a Lena Luthor, la sœur de Lex Luthor. Donc, on l'avait vu le personnage dans Smallville, mais en fait, c'est un personnage très peu connu. Il y a un autre personnage qui s'appelle le Docteur, qui n'a rien à voir avec la série britannique, mais c'est lié à une intrigue qui lance apparemment à la fin de la saison 1 avec le projet Cadmus. Et du coup, c'est comme ça qu'on va voir aussi un autre personnage qui est Snapper Carr, hein, qui est une journaliste. Un journaliste, je crois. C'est un homme. C'est Lucas, son prénom. Oui, d'accord. Parce que Snapper Carr, c'est difficile de savoir. Ouais. Donc, Lucas Snapper Carr, en effet, qui est un journaliste qui va remodeler le 4 coups, apparemment. Donc, est-ce que c'est pour remplacer Cat Grant? Enfin, pour remplacer... Comment? J'ai oublié son nom. Ouais, enfin, Annie McBeal, quoi. Voilà, ouais. Pour remplacer l'actrice, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi elle ne participerait pas à tous les épisodes de la saison 2, puisque le tournage est déplacé de Los Angeles à Vancouver, et l'actrice ne souhaiterait pas, c'est rien d'officiel pour l'instant, mais ne souhaiterait pas déménager pendant 9 mois au Canada. Donc, elle aurait... au mieux un rôle réduit, et du coup ce serait sans doute un moyen de remplacer le personnage. Et l'un des derniers personnages, même c'est le dernier, c'est Maggie, qui est une inspectrice. Tout ce qu'on Là, sait de Maggie Sawyer, donc. Maggie Sawyer, en effet. Mais le personnage qui a fait le plus parler de lui, parce que, à part Lena Luthor, qui est un petit peu connue, puisque c'est la sœur de Lex, sinon ces trois-là sont des personnages vraiment secondaires de l'univers DC et Superman et tout ça. Mais celui qui a fait beaucoup parler, c'est Superman lui-même, hein, puisque le personnage apparaîtra dans les deux premiers épisodes de la saison 2. Alors que avant même le lancement de la série, les producteurs avaient annoncé que non, Superman n'apparaîtrait pas, que la patronne de CBS et donc qui est aussi la patronne de CBS Entertainment, qui est la big boss de chez CBS, avait dit non, Superman n'apparaîtra pas, il n'y aura pas de crossover, on ne veut pas de tout ça. Sauf que elle a été virée. Elle a été virée en fin 2015, et bizarrement, 2 mois plus tard, on annonce un crossover avec Flash. Et maintenant qu'elle est plus là, on annonce Superman dans la saison 2. Voilà. Et juste, hein, c'est sûrement, ce n'est qu'un hasard, hein, mais la série de Tom Welling ne se fera finalement pas. Oh! Oui. Ah Qui était pour ouais? CBS. Oui. Oh, bah dis! Donc il est disponible, le monsieur. Voilà. Ça, je dis rien, hein. Ouais, je saurais pas trop quoi penser, mais ouais, effectivement. Voilà. Ça peut pas être pire que dans la saison 1 où il envoie des messages, où on voit ses pieds, où son Oui, visage c'est caché par la vrai. lumière. À Là, la c'est. rigueur, ça peut être un bon moyen de faire un buzz. Enfin, un buzz, je sais pas, mais. Bah, ils en ont sans doute besoin pour qu'on parle de la série et attirer les gens vers la saison 2, puisqu'il Bah, je pense qu'ils ont pas y a le intérêt à changement. chier Bah, il y sur a le le changement de casting de chaîne, donc Superman, quoi. il faut qu'elle fasse beaucoup parler d'elle, hein. Oui, bah voilà, donc c'est déjà assez risqué de mettre. Enfin, assez risqué, non, après tout, enfin, il y avait Smallville, mais. Mais est-ce qu'il a eu Ouais. envie de revenir à cet Est-ce que. univers-là? Oui, voilà. Déjà Ou qu'il n'a alors, pas voulu porter le costume dans Smallville. Hein. il est tellement à la dèche qu'il est peut-être prêt Sauf qu'à à. l'époque, c'était pas la hype comme maintenant. C'est sûr. C'était pas. Ouais. C'était pas la même ambiance. C'était pas le même contexte. Oui. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour conclure et compléter un peu, on sait qu'il apparaîtra donc dans les deux premiers épisodes, au moins. Au Oui. moins, donc On clairement, imagine bien ça. qu'ils peuvent revenir plus tard. Hein. Voilà, le au moins étant, à mon avis, intéressant. On va passer à la dernière actu du côté de la télé, qui concerne une série que Arnaud aime bien. Donc, bon, si Arnaud, du coup, tu veux en parler de Oui, cette. bah, on a appris, donc c'était la semaine dernière ou les 2 semaines, je sais plus, que FX, la chaîne câblée de Fox, avait commandé la série Legion, qui se passe dans l'univers des X-Men, pour début 2017. Et on a appris cette semaine que la série serait diffusée soit diffusée dans 125 pays à travers le monde, en même temps que les États-Unis, sur toutes les chaînes Fox, en fait. Voilà. Donc partout où la Fox est disponible, Legend sera visible. Et donc Voilà. pas en Et ben France. non, forcément. Mais on peut s'y attendre avec une autre chaîne. Coucou CS qui propose la même chose avec The Walking Dead. Puisque Voilà. Fox le fait avec The Walking Dead aussi à travers le monde et avec OCS en France. Donc à suivre en tout cas pour tout ça. Voilà pour le côté de la télé, du côté des comics VF, pas grand-chose, une seule annonce du côté de chez Panini qui dévoile le contenu de la fameuse collection Marvel Events reprend tous les gros événements DC, Marvel dans une nouvelle gamme en librairie. Donc l'année dernière, enfin 2016, on était plutôt consacré sur l'univers des Avengers et on connaît le thème de 2017 et les 5 albums, ce sera Spider-Man. Ah bah comme par 2017? hasard. 2016. 2017. 2017. Le Bah coffret c'est quoi cette année 2017. alors? Le C'est pas pour rien. coffret sortira fin 2016 avec les 5 volumes comme l'année dernière. Et Ah puis après, les d'accord. 5 volumes sortiront chacun leur tour durant l'année Ah 2017. oui, d'accord. Ok. Voilà. Et les 5 volumes sont La dernière chasse de Kraven, plus ses 2 épilogues. Secret War, et pas Wars, hein, de Brian Bendis et Gabriele Delotto. Un album qui nous présentera l'arrivée de Spidey chez Avengers, avec les 10 premiers épisodes de New Avengers de Bendis, Finch et McNiven. On aura aussi Spider Island et Spider-Verse, qui sera donc disponible pour la première fois en librairie, dans ce fameux coffret Marvel Event à la fin de l'année. Dans Voilà. Spider-Verse, c'est quoi déjà? C'est ce qui est sorti cette année dans les kiosques en VF et puis l'année dernière en VO avec tous les Spider-Man de Ah tout l'univers qui oui, sont ah oui, présents c'est vrai. Spider-Woman, Spider-Gwen. avec Morlun et compagnie et cette menace. Voilà. Donc, qui était plutôt pas mal à l'époque. À l'époque. Voilà. Du côté donc des comics VF, on vous avait dit la semaine dernière qu'on vous parlerait des comics Valiant sortis chez Bliss au rythme de 1 par semaine. Eh bien, on va le faire et on va commencer comme on l'a dit. Donc, le comics de la semaine, c'est en VF The Valiant, tout simplement le premier titre sorti. Pas de spoil, pitié. C'est celui qui inaugure la gamme. Non, pas de spoil. Non, non, pas de spoil. Arnaud, tu l'as lu, je l'ai lu Ouais. aussi. Il est en vente au prix de 10 €. Enfin, il est en vente pour le moment un peu en suspens, puisqu'on sait qu'il est épuisé et qu'il reviendra Je dans les. confirme. Il reviendra dans les jours qui viennent dans les librairies. The Valiant, c'est scénarisé par Jeff Lemire et scénarisé, non, et co-scénarisé par Matt Kint et c'est dessiné par l'artiste Paolo Rivera. Voilà. Ça contient ce tome de librairie, ça contient les 4 numéros de la mini-série. Je crois qu'il n'y en a que 4. Oui, il me semble. Oui, Oui, c'est c'est tout ça. ça. Les 4 numéros plus des bonus dans les coulisses de The Valiant, qui sont super intéressants d'ailleurs, puisqu'on a carrément des planches qui sont commentées par Paolo Rivera qui explique pourquoi il a choisi de mettre telle case comme ça, pourquoi il a choisi cette composition, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il a caché dans cette page, pourquoi il aime bien dessiner les onomatopées notamment et les bruits sonores, c'est parce que Caché. ça lui permet de gagner du temps en cachant des choses. Enfin voilà, on apprend plein de choses comme ça sur le processus de travail de Paolo Rivera, que ce soit bah, de l'esquisse à la colorisation en fait. Et donc du coup, c'est vachement intéressant d'avoir ces commentaires où il nous dit vraiment voilà comment il fait, quoi. Comment il fait pour faire sa planche, comment il travaille. Et ça, c'est un bonus qu'on voit pas souvent et qui du coup déjà était une espèce de petit coup de cœur pour moi. Je sais pas toi. Oui, c'est très intéressant cette plongée dans comment c'est fait tout simplement, et surtout dans toutes les étapes. Tu disais, on voit de l'esquisse à la colorisation et tout ce qui est entre les deux, le crayonné et l'ancrage, auquel on ne pense pas forcément quand on regarde les planches. Hein. Ouais, donc c'est-à-dire qu'en fait, bah, chaque planche est partagée. Voilà, En quatre. la partie gauche de la planche, c'est l'esquisse, et puis après, on passe au crayonné, à l'ancrage et à la version colorisée. Ah, c'est cool ça! Et c'est plutôt super bien fait. Avec des commentaires à chaque fois. Il y a plein, plein, plein de commentaires, et c'est sur une quinzaine de pages. Hein, c'est pas juste deux planches Ah comme ça. oui. Voilà, il y a quand même pas mal de matériel qui est détaillé par Paolo Rivera. Donc ça c'est super cool. Et puis on a évidemment l'histoire de The Valiant. Est-ce que tu veux bien nous en parler, Arnaud? Donc c'est l'histoire du guerrier éternel qui s'appelle Gilad, je ne sais Anipada. quoi, Anipada. Qui est donc le guerrier éternel, qui est en fait un guerrier qui a pour mission de protéger la Terre depuis des milliers et des milliers d'années. Et pour ça, en fait, il doit protéger ce qu'on appelle le géomancien, qui est en fait une sorte d'élu mystique qui tient ses pouvoirs de la Terre, hein, Ouais, c'est un et en peu tout la cas qui flamme en de la Terre. Voilà, qui est en communion avec la Terre, la nature, et qui donc doit la protéger. Et il a un ennemi juré, qui est l'ennemi immortel, qui est en fait un monstre qui à chaque fois, à chaque renaissance, cherche à tuer le géomancien, puisqu'il ne peut pas tuer le guerrier éternel. Et à chaque fois, il réussit. Et donc, on voit qu'il réussit par 3 fois au cours de plusieurs époques de l'histoire. Et là, il revient à l'époque moderne. Et donc, le guerrier éternel doit à nouveau protéger le géomancien, qui cette fois-ci est une géomancière. Hein. Je sais pas si ça se dit comme Je ça. Ouais. m'en Géomancienne. Et qui est toute nouvelle aussi dans sa fonction. Et donc on découvre cet univers avec elle. Et voilà, on va trop rentrer dans les détails. Donc la géomancienne s'appelle Kay, elle va découvrir un petit peu bah, ses pouvoirs de géomancienne, enfin son rôle de géomancienne, et puis évidemment le guerrier éternel va tenter de la protéger face à l'ennemi immortel. Donc est-ce que l'ennemi immortel va une fois de plus réussir à tuer le géomancien, qui est en l'occurrence une femme, ou est-ce que enfin le guerrier éternel va réussir à défendre vraiment la Terre et à empêcher ça? C'est tout l'intérêt de l'album qui nous présente du coup bah, tous les personnages importants de l'univers Valiant. Vraiment des gros gros personnages majeurs, c'est-à-dire qu'on retrouve en dehors du guerrier éternel, de la géomancienne et de l'ennemi mortel, on retrouve Bloodshot, on retrouve Armstrong, je ne crois pas qu'on voit Archer, on retrouve X-O-Manowar, Ninjak, Voilà, qui sont quand même les personnages centraux de l'univers Valiant. Et puis bah, tout ce monde-là va avoir un rôle à jouer, évidemment, dans cet affrontement. On va pas rentrer plus dans les détails pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, Ouais, je veux bien, ouais. puisque le final, quand même, voilà, n'est pas exempt de surprise. Donc, gardons ça pour vous qui allez le lire. Juste pour vous dire qu'effectivement, la grosse question qu'on se pose, c'est est-ce que si je n'ai jamais lu l'univers Valiant, si je ne connais rien à l'univers Valiant, est-ce que je peux commencer en lisant cet album, tout simplement. C'est vraiment la grosse question et le gros enjeu pour ce titre-là. Moi, je connaissais l'univers Valiant avant, donc je peux pas vraiment répondre de manière objective. J'aurais tendance à dire oui, mais bon, en tant qu'habitué de cet univers-là, il y avait quand même plein de choses que je connaissais. Par contre, il y en a un qui ne le connaissait pas du tout, c'est Arnaud. Oui, j'avais jamais, mais vraiment jamais ouvert un comics Valiant. Et du coup, j'ai tenté l'expérience avec The Valiant. Et oui, vraiment, on peut vraiment commencer l'univers Valiant avec celui-ci. D'ailleurs, il est préférable de commencer par The Valiant et pas de se jeter sur les autres univers comme par exemple le tome 1 de Bloodshot Reborn, puisqu'il fait la suite directe. Donc, ça vous Ouais. spoilerait un peu Je la fin de confirme, Valiant. moi je l'ai entre les mains, le Bloodshot Reborn, Bah, je l'ouvre pas surtout, ne et lis pas. Ne... je l'ai pas lu parce que j'attends The Oui, Valiant, qui est tout à très fait. frustrant. C'est ça. Et du coup, comme disait Mathieu, exactement, on découvre plusieurs personnages. Donc, c'est principalement donc le guerrier éternel, la géomancienne et Bloodshot Reborn, enfin Bloodshot. Surtout les trois principaux que l'on découvre. Mais oui, on fait la connaissance assez rapidement avec certains personnages comme Ninja ou X-Manowar. Et du coup, ça peut vous donner déjà une idée de qui sont ces personnages-là. Et c'est fait de telle manière qu'on se prend pas 10 000 noms de personnages sans savoir qui ils sont et on a du mal à les replacer. C'est vraiment. Ils introduisent, Jeff Lemire et Matt Kent ont vraiment introduit les personnages quand même au compte-gouttes. Ils prennent le temps d'expliquer qui est le guerrier éternel, son ennemi, l'ennemi Immortel. immortel, sa mission avec le géomancien. Ils prennent vraiment d'établir ça avant de vous amener les autres personnages de l'univers Valiant. Donc il y a vraiment, vous n'avez pas une somme d'informations conséquentes à vous prendre dans la gueule d'un seul coup. Vous pouvez vraiment avoir le temps de digérer toutes les informations. Et c'est une très bonne introduction à cet univers qui est en plus se tient à elle-même, puisque c'est une mini-série conclue à la fin du quatrième épisode, qui lance bien sûr sur Bloodshot Reborn, comme on a dit, et qui ne lance pas les autres séries, mais vous donne quand même envie, pour la plupart en tout cas, de faire la connaissance davantage avec les autres personnages comme Ninja par exemple. Bon, Ninja, ça arrivera bientôt normalement. Il y a 8 personnages essentiels, et ces 8 personnages-là sont présentés sur une double page au tout début de l'album en 3 ou 4 lignes, pas plus. Donc voilà, Bliss vous propose ça. En tout début, vous avez une double page avec 8 personnages, leur nom et 3 ou 4 lignes, l'essentiel, et après vous enchaînez sur l'histoire. Vous pouvez lire évidemment cette double page d'introduction qui vous permettra déjà d'être familier avec les noms et d'avoir un petit peu certains trucs sur leur histoire. Après, vous pouvez tout à fait aussi sauter cette double page et commencer l'histoire. Mais il y a quand même cette proposition qui est faite par Bliss de vous proposer donc en double page les 8 personnages et leur présentation de manière très très très synthétique. Mais vous avez voilà vraiment l'essentiel. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ça sur eux. Si vous voulez en savoir plus, eh ben vous allez sur Comixology et vous téléchargez, vous achetez les albums correspondant aux personnages en question. Et puis voilà. Je voulais juste rajouter un truc parce que Arnaud avait dit qu'il fallait mieux lire The Valiant avant de lire Bloodshot Reborn. Et là, je viens de voir que dans le numéro de, enfin, le bouquin de Bloodshot Reborn, ils mettent bien les événements suivants se déroulent après The Valiant. Il y a une grosse page qui Donc, te prévient que attention, si t'as pas lu The Valiant, ouais. tu risques d'être spoilé. Et juste sur un point, parce que du coup, vous parlez de l'histoire, mais moi, je peux peut-être ajouter un truc juste parce que j'ai un bouquin de Valiant entre les mains, donc de Bliss Comics. C'est franchement la qualité du bouquin, rien à dire. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont. C'est un peu comme Urban, clairement. La couverture cartonnée est sympa, Ouais. la tranche est, enfin, le dos plutôt est sympa aussi et plutôt harmonieux quand on a Ouais. tous les tomes un quand les uns à côté des autres, ça rend plutôt pas mal. Non non, il y a le boulot, le boulot d'adaptation, L'évolution. le hardcover, tout ça c'est de la bonne finition, il n'y a pas de problème. Le bouquin tient le coup, vous pouvez le lire plusieurs fois sans avoir l'impression qu'il se craque. Non non, c'est bien, pas de souci de ce côté-là. Pour l'histoire, moi j'ai trouvé ça génial. Pareil. Les dessins de Paulo Rivera, on n'en parle même pas, c'est une Sublime. tuerie absolue. Il te fait des pages, même les pages avec, classiques, on va dire, avec plusieurs cases et tout, sont belles. Mais alors quand on se trouve sur des splash pages ou sur des doubles pages carrément, voilà, S'y fait plaisir. il y a du très très haut niveau en dessin. Donc voilà, que ce soit l'histoire, que ce soit le dessin, on vous le conseille vraiment. Et n'ayez pas peur, si vous ne connaissez pas l'univers Valiant, vous pouvez commencer avec The Valiant sans aucun problème. Et vous pouvez aussi vous associer à cette lecture le FCBD de Bliss qui vous présente l'essentiel de l'univers sur une quarantaine de pages, si vraiment vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Et puis pour être vraiment complet, sachez que là, juste à côté de moi, j'ai un tome, j'ai un The Valiant signé par Paulo Rivera. J'ai aussi un FCBD de Bliss Comics. Et on les met donc en jeu à partir d'aujourd'hui jusqu'au mag prochain. Vous pouvez donc gagner ce tome de The Valiant en librairie, signé par Paulo Rivera, je le répète, et avec, vous aurez le FCBD. Vous n'avez qu'à vous rendre vite sur comicstories.fr pour savoir comment faire pour gagner ce tome librairie de The Valiant et le FCBD, ce qui est plutôt pas mal puisqu'il est épuisé en librairie. Donc si vous avez envie de le découvrir, vous attendez quelques jours, ou alors vous tentez votre chance sur comicstories.fr. On vous offre un exemplaire plus le FCBD. Voilà. On peut passer au ciné maintenant? Oui. Oh, quelle joie! Du côté du ciné, pas mal de petits trucs, alors vraiment très très très rapidement. Doctor Strange sera bien à San Diego Comic Con cette année. Ouais, pas surprenant. Ouais, ça on s'en doutait. Avec les gardiens. Mark Hamill, lui, n'y sera pas. Un peu plus surprenant. Voilà. Tu parlais des gardiens qui seront également à San Diego Comic Con. Tom Holland est allé rendre une petite visite sur le tournage de Guardians of the Galaxy. Petite visite. De Guardians of the Galaxy volume 2. Donc il a pris quelques photos, machin, tout ça. Est-ce que ça serait pas aussi un petit caméo? Non. Sauf si l'histoire J'ai se du passe sur mal. Terre, Ouais, non, quoi. ouais. Ouais, non, mais je. Après, on est à l'abri de rien, mais Ouais. non. C'est pas la première fois qu'ils se rendent visite sur les tournages, Non, donc. non, non. Ah oui, non, mais je me dis après. En général, t'as pas mal d'acteurs qui font style. Ah bah tiens, je vais visiter. Et en fait, on se rend compte après. Ah bah en fait, ils ont tourné un petit truc. Après Peut-être. connaissent aussi, mais après connaissant Marvel et leurs Oui, oui. secrets, Oui, non, mais ils c'est n'auraient jamais évident. accepté qu'ils publient la vidéo, la photo. DC Super Hero Girl se décline maintenant en animé, en film d'animation qui sortira au mois d'août. Un Ouais. plaisir de regarder, n'est-ce pas? Batman The Killing Joke sera donc projeté le 22 juillet, on le savait, à la San Diego Comic Con, mais il aura également droit à une soirée dans les cinémas américains, la soirée du 25 juillet. Il y aura a priori une à deux séances selon les cinémas américains pour aller voir Batman The Killing Joke, film Alors d'animé. ça, c'est La bien. chance. Ça, c'est pas Chanceux. mal, effectivement. Suicide Squad est officiellement PG-13. Ouais, bon. Sans surprise. Tobey Kebbell nous raconte. Alors ça. Alors ça, c'est quand même Alors ça, c'est la meilleure de la magnifique. semaine. Tobey Kebbell qui nous raconte, il y a un super cut de Fantastic Four, un truc génial, mais on le verra jamais. Histoire de nous faire passer la pilule, quoi. Voilà. C'est Star Wars magnifique. The Force Awakens a quitté les cinémas américains avec un score de 937 millions quasiment de dollars sur le sol US. Putain, c'est énorme. C'est pas mal. Mais La c'est petite rumeur, c'est pas un que dire fort, DC, non? la petite rumeur, c'est que Disney le ressortirait peut-être afin d'atteindre le fameux milliard. Donc Ah peut-être bah tu une m'étonnes, sortie d'ici quelques mois pour compléter ce qui manque mais et comme c'est enfin, Avatar avait fait. Ouais. Avatar ils avaient fait ça. Ouais. Ouais, pour atteindre le milliard aussi. Oh la vache, c'est quand même énormissime. Et puis il nous reste encore deux choses. Kenneth Choi a été casté pour jouer dans Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok commencera son tournage le 4 juillet. Ouais, donc rien de bien polichon quoi. Du côté du ciné, non. Ouais, surtout que Kenneth Choi, super l'info, c'est pour dire qu'il joue le principal du lycée. C'est ça. Super, merci pour l'info. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, on passe aux comics VO du coup. DC Comics a fait un hommage à Darwyn Cook cette semaine dans ses singles. Une double page, assez chouette. Et Archie Comics nous annonce une série Josie and the Pussycats à partir de août, je Donc crois. on en connaît un qui est content. Je vais au moins lire le numéro 1, effectivement. Le nouvel univers d'Archie, voilà, ça se développe de plus en plus et c'est bien, bien cool. Avant de parler des ventes de comics en mai 2016, c'est le gros morceau que vous attendez, évidemment. C'est notre moment préféré du mois. Clément, est-ce que tu veux bien nous parler du nouveau projet que Mark Millar a dévoilé? Ah oui, donc c'est un projet avec Greg Capullo. Donc Greg Capullo qui a été pendant depuis les New 52 sur Batman aux côtés de Snyder C'est-à-dire pendant 4 ans et demi. pendant 4 ans et demi. Enfin, moi je m'étais étonné de plus le voir, de pas le voir sur les nouveaux titres de DC. Et en fait, ça tient son explication dans la mesure où Mark Millar a annoncé cette semaine un nouveau créateur owned, donc qui s'appellerait Reborn. L'histoire suivra une femme de 80 ans qui, après sa mort, ne se retrouve ni en enfer ni au paradis, mais plutôt dans un monde fantasy où elle retrouve tous ses proches défunts, de son père à son animal de compagnie d'enfance. En revanche, impossible de mettre la main sur Feu, son mari, décédé il y a 14 ans de cela, et elle va donc partir à sa recherche, réincarnée dans une femme de 25 ans armée d'une épée et d'un flingue. Donc, ça a l'air Okay. très space. Pourquoi C'est clair. pas? Enfin, c'est du Mais Millar, hein. la fantasy en comics en ce moment fonctionne Ouais. plutôt bien. Voilà. Non, mais Puis de toute façon, on aura bientôt un film, comme tous les bouquins de Millar. Le petit troll. Ouais. Lui-même l'a dit. Bah, il l'a dit, Oui. hein. Non mais oui. Non mais bien sûr. Bien sûr qu'on aura Mais droit. ouais, non, mais ça peut être. Le problème de Millar, il fait autant il peut faire des trucs super bien et autant il peut faire des trucs qui sont pas super super, quoi. Bah ouais. Mais c'est, enfin, je lisais, hein, pour citer Comics Blog, qui disait que c'est un pitch typique. Typiquement millarien, effectivement. C'est dans le délire du bonhomme. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors que je viens de perdre la page des ventes de comics en mai. Oh, quel dommage! Alors, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, que dire des ventes du mois de mai? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Marvel est en tête. Oh. Surprise. 39,64% en termes de dollars et 44,8% en termes d'unités. DC est deuxième avec 26,5%, que ce soit en dollars ou en unités. Alors D'accord. que entre 13 et 18 points derrière, selon ce qu'on Pour prend changer. de base. Image est autour de 8%. Bon, voilà, tout va bien. On reviendra après sur le nombre de comics vendus, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes quand on ajuste ça. Marvel a sorti 136 produits et Ouais. DC 102. Ouais, donc il y a quand Voilà, donc il y a même quand même une grosse grosse différence. différence, ouais. Au niveau du marché, l'évolution du marché est négative, encore une fois, pour le cinquième mois de suite, je crois. Moins 6% en ce qui concerne les recettes pour les comics et moins 5% à peu près en unités vendues, quand on fait le total, hein, quand on mélange comics et graphiques D'accord. novels. Par rapport à l'année dernière, la chute, elle est de moins 15%. C'est énorme. Voilà. Si on fait le total comics graphiques novels, on est à moins 9% en dollars et moins 16,58 en unités. Donc c'est quand même une grosse chute sur un an. Et pour l'année 2016, de janvier à mai par rapport à l'année 2015, sur la même période, on est sur un recul de 5% en dollars et de 12% en unités. Ouf. 12,72 même. Donc voilà, le marché recule. On espère vraiment que Rebirth va venir un peu remonter tout ça parce que voilà. Ça veut peut-être dire quelque chose, hein. C'est ça. Le recueil le plus vendu au mois de mai, c'était Batman The Killing Joke Special Edition en hardcover. Ah. Suivi par le volume 2 de Descender et le TPB de Civil War. Bizarre. Oui, bizarre. Et pour ce qui concerne les singles, on va remonter le top 10 pour vous dire que le 10e était Amazing Spider-Man numéro 12. Devant, on a encore deux titres Marvel. Black Panther numéro 2 et 9e. Darth Vader est numéro 20 et 8e. On retrouve un titre DC à la 7e place, c'est Justice League numéro 50, avec la fameuse conclusion de Darkseid War et la révélation de l'identité du Joker. Lol. Star Wars numéro 19 est 6e. Captain America Steve Rogers, le fameux numéro tant décrié, est 5e des ventes. En 3e position, le dernier numéro de Batman des New 52, le numéro 52. Et Ouais, alors, le qui est podium. LOL aussi, hein, d'ailleurs. Un peu lolesque, oui. Le podium. Sur la 3e marche du podium, le premier numéro de la série The Punisher, chez Oh. Marvel. Le numéro 0 de Civil War 2 est 2e. Et il est évidemment devancé en numéro 1 par Ah, DC Universe, enfin. Rebirth numéro 1. DC prend donc la tête des ventes en ce qui concerne les singles. Donc le single le plus vendu, c'est le DC Universe Rebirth numéro 1. Et je peux vous dire que ça fait un sacré Ah paquet bah de mois qu'un comics qui se classe numéro 1 ne coûtait que 2,99$. oui, c'est pas faux. Alors pas un comics DC, hein, parce qu'on a eu notamment les DK3 qui étaient régulièrement en tête des ventes, mais un comics à 2,99$ en tête des ventes, ça Bah s'est pas clairement, chez Marvel, t'as pas ça, déjà. Vu depuis que ça a été The Walking Dead il y a quelques mois, et puis si on remonte encore plus loin, voilà, il n'y a pas beaucoup de fois où c'était aussi peu cher. Hein. C'est pas faux. Voilà. Donc bah déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, hein, un comics pas cher qui réussit à se mettre en tête des ventes. Maintenant, voilà, on a l'impression que Marvel a écrasé le mois, quand on regarde comme ça. Mais ouais, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que 40, presque 45 contre 26 en unité, en termes de pourcents, il y a quand même un écart énorme de plus de 16 points. Ben, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. Enfin, c'est là à peu près la même domination de Marvel. Mais il y a ce fameux truc que je vous ai dit, le nombre de comics proposés par les éditeurs. 136 pour Marvel, 102 pour DC. Et Oui, depuis un donc. petit moment, il y a ça qui me taraude. Depuis un petit moment, je posais la question, mais si on ajustait, Ouais. si on faisait un petit calcul qui nous permettait de savoir combien DC aurait vendu s'ils avaient sorti le même nombre de comics. Ouais. Eh bien, l'écart, là, il passerait de plus de 13 points à 4,37%. Ah ouais. Ah ouais, C'est-à-dire ça que veut tout DC dire. remonterait à 35,27 et Marvel serait donc toujours à 39,64. En termes de dollars et en unités, l'écart serait divisé par 2. Ouais, bah ça paraît logique, Voilà. finalement. Et du coup, je me suis dit, et si on remontait un petit peu comme ça toute la période New 52, puisque là, ça y est, on est à la fin des New 52. Ouais. Donc on peut tirer un petit bilan un petit peu des ventes de DC. DC s'est retrouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois en tête des ventes depuis le début des New 52. Ouais. C'est-à-dire depuis septembre 2011. Donc en 4 ans et demi, c'est-à-dire en 50 et quelques mois, 10 fois seulement DC s'est retrouvé Ah en tête. putain. Donc on a l'impression comme ça qu'au début la lutte était super serrée, au début des New 52 et tout ça, ben en fait non quoi. Les 3 premiers mois effectivement étaient archi dominés par DC, de septembre à novembre 2011, et après, Ça a et ben sur chuté. tout le reste de la période, ils se sont retrouvés que 7 fois en tête. La dernière fois Ouais. que DC a été en tête, en termes de dollars, c'est en septembre 2014. Septembre 2014, tu avais. C'était pas Ben c'était le le mois mois spécial, d'après? 5 years later. Ah, c'était ça? C'est le dernier mois spécial que DC avait proposé. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, à chaque fois, c'est pareil. Enfin, c'est toujours un truc qui vient C'est ça. blinder. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est ce que Marvel, j'imagine, en termes de dollars, ils font enfin, largement plus que DC Comics. Mais bon, Marvel à côté de DC, voilà, Marvel fait quand même sa politique, c'est maintenant à peu près 4 dollars minimum le comics. C'est ça. Du coup, je me suis dit, on va regarder en unité. Et bien, Et en t'as des unité. bimensuels, et surtout que t'as des pas mal de bimensuels derrière C'est ça. Et chez bien, en Marvel. unité, la dernière fois que DC s'est retrouvé en tête, et bien, c'est le même mois, septembre 2014. Ouais, donc. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Et puis, si on remonte encore, il faut remonter un an avant, à septembre 2013. Encore une fois, un mois spécial. C'était le Villains Month. Ah, c'est ça. Et puis, si on remonte à la dernière fois que DC s'est retrouvé en tête juste avant, et bien, c'était Zero septembre Year. 2012. Les Ouais, numéros Zero Year. zéro. Ouais, donc à chaque fois, oui, c'est. Et puis après, le reste, c'est tout dans la première année. Donc du coup, DC se prend une poutrée depuis très très très très longtemps, quoi. En même temps, est-ce que c'est surprenant? Parce que enfin, ça a été quelque chose qu'on a cessé de le dire, je pense, pendant 4 ans et demi, qu'avec les New 52, DC Comics a fait une erreur. Et finalement, ils ont perdu en part de marché, ils ont perdu de leur domination sur. Enfin, je sais pas s'ils avaient déjà la domination même avant, mais en tout cas, ils ont perdu une certaine importance sur le marché du comics. C'est aussi dû à ce qui a été engendré avec les New 52 et toute la politique éditoriale qui a été mise en place depuis lors. Et ça, c'est pas un hasard non plus, clairement. Si on reprend le mois qui précédait les New 52 et qu'on le compare au mois qui précède Rebirth, DC et Marvel plutôt est à peu près exactement au même chiffre, Ouais. mais vraiment voilà, c'est à 1,5% près, alors que du côté de chez DC, on a une chute de 4% en dollars et une chute en termes d'unités qui est elle de 8%. Ils sont à 26, 34, à l'époque ils étaient à plus de 34%. Ouais, donc Donc voilà, il s'est passé quelque chose avec les New 52, clairement. Ah oui, c'est sûr. Et je vous parlais d'ajustement, quand on ajuste un petit peu, quand on regarde s'ils avaient vendu le même nombre de comics. Eh bien, figurez-vous que le mois de mai 2016, c'est le meilleur mois des New 52 depuis Convergence. Et qu'est-ce que c'était en mai 2016? Bah, c'était la fin des New 52. C'est ça. Donc du coup, c'est-à-dire que Folle magnifique quand la même. seule sortie de DC Rebirth, de un seul single, a réussi à réduire vraiment l'écart. entre Marvel et DC, si on ajuste en nombre de comics proposés. C'est quand même magnifique parce que ça, enfin, c'est là tu fais ni plus ni moins un constat par les chiffres de la médiocrité, de l'échec des New 52, et que ça soit mai 2016 qui était le meilleur mois depuis Convergence, c'est hyper révélateur, quoi. Mai 2016, ça coïncide justement avec les derniers numéros des New 52 et avec donc la fin des New 52 consacrée et bah Et l'avènement de le DC retour. Rebirth, c'est l'avènement d'un retour à l'héritage de DC. Donc c'est Donc hyper révélateur. Convergence avait beau être hyper mauvais, mais si on prend Ouais. le mois de Convergence, il n'y avait que 3 points qui séparaient Marvel et DC en nombre réel, hein, pas en ajusté. Hein. D'accord. En ajusté, on tombe à 1,47. Mais du coup, voilà. Ouais, donc c'est oui, c'est hyper révélateur. C'était pas arrivé depuis Convergence. Et puis avant, c'était surtout les mois de septembre, voilà que ça se passait. Ouais, bah Mais forcément, septembre, c'est des. Enfin, ils faisaient toujours des espèces d'events où ils te blindaient en comics. Ils te mettaient d'ailleurs plus de comics que d'habitude et ils te blindaient les chiffres au passage. Donc, En tout cas, voilà, moi, ce que je retiens, c'est que la seule sortie de DC Rebirth a permis, en ajustant le nombre de comics, en faisant comme si ils avaient proposé le même nombre, eh ben, ça a permis de diviser presque par 3 l'écart entre les deux éditeurs par rapport aux 12 derniers mois. Non, mais c'est. Enfin, l'analyse que tu as faite est très bien parce que c'est très révélateur, en fait, mine de rien. Et c'est vrai que je pense qu'on doit être beaucoup, finalement, s'en foutre un peu des chiffres. Et là, avec une analyse comme tu l'as faite, bah, c'est plutôt intéressant parce que ça montre bien une tendance, quoi. C'est ça. Donc là, maintenant, du coup, les chiffres de juin vont vraiment être C'est déterminant. hyper importants. Parce que ça pourrait être la première fois que DC d'abord arrive en tête en presque 2 ans. Oui. Hein, quand même. Ça Et serait c'est une pas impossible. sacrée révolution. Hein, parce que sur les 2 dernières années, c'est arrivé 4 fois. Donc voilà, il y a vraiment une grosse attente. Bah oui, c'est surtout de voir est-ce que DC est capable de conserver sa place 2 mois consécutifs. À suivre. Ça va être intéressant. Oh bah le Batman Rebirth sera sans nul doute en tête des ventes du mois de mai, Oui, de juin, mais bon. certainement. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres titres qui risquent d'être. Je ne sais pas. Sachant qu'il y a un Captain America 2 risque de faire Oui, il risque de faire, oui, avec la un polémique et très tout bon ça, chiffre. forcément, voilà. Bon. Voilà, donc c'était un peu pour parler des news. Alors qu'il y en a un qui doit jouer avec un stylo ou un badge ou je ne sais pas quoi, un truc métallique, qui fait plein de bruit. Allez, on va parler de jeux vidéo pour terminer. C'est cool les jeux vidéo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, ça fait Ah un an. bah, un On an? n'en a jamais parlé. Non, si, Si, on en mais il y avait a parlé longtemps. il y a un an, un truc Bon. comme ça, on avait parlé d'un truc Telltale qui allait sortir. Ah, Et voilà, du possible. coup, c'est l'annonce de la semaine quand même. Injustice Gods Among Us 2 est annoncé pour 2017. Ça faisait un petit moment que la rumeur circulait, et là, cette fois, c'est confirmé. On va se trouver en pleine E3, donc on va avoir pas mal d'infos. Mais voilà, la suite d'Injustice arrive, et ma foi, c'est bien cool. Ah ouais? Bah ouais, Je le sais jeu, pas, moi je l'ai jamais joué Le premier jeu donc. était assez sympa. J'ai vite arrêté d'y jouer, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je l'ai commencé tellement tard par rapport aux autres que j'avais un retard assez incroyable en termes de progression. Donc du coup, un truc que j'aurais jamais pu rattraper, donc j'avais vite baissé les bras. Mais par contre, là, sachant qu'il y a un 2 qui va sortir, je Ouais. me dis, voilà, pourquoi pas le commencer du coup en même temps que tout le monde et pouvoir Et commencer à kiffer. graphiquement, il a l'air de péter quand même, hein. Ouais, il a l'air pas mal. La première vidéo est top, les visuels sont Ça a l'air sympas. super dynamique. Ouais, ça donnerait presque envie d'acheter une console. Donc voilà. Non, non, ça va être la grosse sortie du côté des jeux vidéo d'adaptés de comics, voilà, pour la prochaine année à venir. Donc. Puis c'est pas comme si Batman V Superman empruntait des choses à Injustice. Mais c'est aussi surtout parce que les comics Injustice Gods Among Us étaient arrivés au bout. C'est-à-dire qu'on avait fait le, on avait rempli ce fameux trou de 5 ans qui séparait notre monde du monde de Injustice. Il n'y avait plus de comics à sortir. Donc maintenant, ils vont pouvoir repartir aussi en comics sur l'entre-deux. Il y avait eu tant que ça? Ouais, ils sont en train de terminer le Year 5 là. Ah ouais. Ah, je. Mais Donc, ça fait 5 ans? Le jeu il est sorti en 2013 je crois ou Ouais. 2012-2013 donc non ça fait pas 5 ans mais du coup il y a eu 5 années d'histoire de comics en fait voilà il y a eu le Year Par 1, le Year rapport à ce 2 jeu-là, c'est ça? ouais par rapport à ce jeu-là D'accord, mais voilà. je t'avoue que je savais pas du Ils tout. ont rempli les 5 années de vide entre le présent et le futur dans ce jeu-là. Ah bah D'accord. Donc c'est plutôt cool. ils ont fait le raccord. Donc maintenant, on imagine que ce jeu Injustice 2 va se situer lui un petit peu plus loin encore et ça va pouvoir permettre de raconter encore des histoires en comics entre les deux. C'est plutôt sympa comme idée. Donc ouais, moi j'aime plutôt bien. Voilà, allez, ça conclut ce mag. Les prochains rendez-vous, c'est sur nos écrans. Et alors là, Ouais, semaine aux petits oignons, on vous attend. On vous a offert Arrow dimanche. On vous offrira jeudi Legends of Tomorrow, notre bilan de la saison 1, et ce week-end, on vous offrira le bilan de la saison 2 de Gotham. Voilà. Là, on est vraiment dans la trilogie du bonheur, hein. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Écoutez bien ces petites émissions. Et puis après, on reviendra, on vous parlera de Stanley's Lucky Man. Et la dernière, c'est Supergirl saison 1 aussi, qui nous restera à faire avant ce fameux bilan de la fin du mois. Prochain mag, mardi prochain, on sera le 21 juin. Je vais vous faire grâce de l'instant prostitution, parce qu'on a encore l'histoire de Rebirth à faire. Donc on se retrouve, pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de Rebirth et ne pas être éventuellement spoilés, même s'il n'y aura pas de spoiler, on se retrouve la semaine prochaine. Pour les autres, à tout de suite après le générique. Salut. Et on se retrouve maintenant pour donc les fameux comics Rebirth VO de la semaine, la petite tradition depuis DC Universe Rebirth. Il y en a 5 qui sont sortis cette semaine, Aquaman, Flash et Wonder Woman Rebirth numéro 1, Detective Comics 934 et Action Comics 957. On va se les faire très vite parce qu'on a déjà été long ce soir. Action Comics 957, c'est par Dan Jurgens, c'est Patrick Zircher, c'est le retour de l'ancien Superman qui va retourner à Metropolis et s'apercevoir qu'il y a un certain Lex Luthor porte le blason de Superman et porte une cape rouge et s'autoproclame défenseur de Metropolis. Superman est mort, mais Lex Luthor veut continuer à faire vivre Superman et donc va prendre le costume. Autant vous dire, ça va pas faire vraiment plaisir à Clark Kent, le Superman pré-New 52, qui va évidemment vouloir venir régler ses comptes avec Lex Luthor, on s'en doute. Ça doit être sympathique. Clark Kent est de retour à Metropolis, mais ce n'est pas le seul personnage à faire son retour. Il y en a deux autres qui font leur retour. Voilà, un personnage du côté des forces de l'ordre, mais aussi un méchant, voilà, assez emblématique, assez intéressant. Donc voilà. Pas mal de retours dans ce Action Comics. Moi, j'ai plutôt aimé. Ça pose vraiment les bases. Voilà, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Dan Jurgens, depuis qu'il est arrivé sur Superman, que ce soit dans la fin des New 52, en nous ramenant ce fameux ancien Superman, et maintenant avec Action Comics, voilà, ça, c'est plutôt du bon. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite de ce que ce cliff donne, de ce que ces personnages qui reviennent, qui vont venir pas mal bouleverser. Voilà, on a un nouveau qui prétend être quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment lui ou pas? On ne sait pas. Et puis, rappelez-vous, ce Monsieur Oz, il est là. Oh. Monsieur Oz est là aussi, il continue à surveiller avec tous ses écrans et tout ça, et à savoir pas mal de choses apparemment. Donc Intéressant quand on le met en connexion avec DC Universe Rebirth numéro 1. Detective Comics numéro 934 maintenant, par James Tynion IV et Eddie Barrows. Batman team-up avec Batwoman. Et ils vont recruter une équipe, enfin, c'est pas vraiment une équipe qui veulent recruter. En fait, Batman s'aperçoit qu'il est espionné par un drone. Un drone, mais vraiment miniature, qui est une technologie vraiment hyper avancée par rapport à ce que connaît Bruce Wayne, et on sait que Bruce Wayne, au niveau technologie, s'y connaît. Et du coup, il est un peu inquiété par tout ça, il se demande un petit peu d'où ça vient, et avec Batwoman, ils vont se mettre à recruter des gens, parce qu'ils sentent qu'il va falloir protéger Gotham, peut-être même plus que Gotham, et que seuls, ils n'y arriveront pas. Donc ils vont former des gens. Voilà, le but, c'est vraiment de faire un bootcamp, un camp d'entraînement pour former des personnages. Ils seront formés par Batwoman. En fait, Bruce va confier à Batwoman la responsabilité de former ces gamins-là. Enfin, ces personnages-là, parce que c'est pas que des gamins. Et donc, on connaît, hein, ils sont sur la couverture. Hein, il y a le Red Robin, il y a Clayface, il y a Spoiler. Et puis, la dernière, j'ai oublié son nom, mais c'est pas bien grave. C'est plutôt intéressant. Enfin, ça fait plaisir de revoir Batwoman, de la revoir, on va dire, en circonstances un peu meilleures que comme on l'avait quitté dans les New 52. Donc non, c'est plutôt sympa. La raison d'amener pourquoi Clayface s'est expliqué, et la raison va plutôt bien. Donc voilà, moi je vais continuer aussi à suivre ça, pourquoi pas. Aquaman Rebirth par Dan Abnett et Scott Eaton et Phil Jimenez. Comment vous dire ? C'est assez vieillot dans la manière dont c'est fait. C'est un truc, c'est une manière de raconter hyper éculée avec un narrateur à la troisième qui nous raconte un peu ce qu'on voit, qui nous présente, qui nous parle un peu le Ah, personnage. c'est Enfin, relou ça. voilà, c'est une introduction au personnage d'Aquaman, mais alors c'est fait de la pire des manières possibles. C'est chiant. Enfin, la manière dont c'est fait, c'est très chiant. Alors que pourtant, ce qui est dit, c'est intéressant. Ouais, d'accord. C'est con, mais la manière dont c'est raconté, bah, ça fait pas envie, quoi. Ça fait vraiment passer. On a l'impression de lire un truc d'il y a 20 ans. Et non, quoi. Alors que le but, justement, c'était de continuer, de laisser Aquaman un peu de manière moderne, un peu populaire, comme il avait été redynamisé au début de New 52. Et là, la manière dont c'est raconté, c'est hyper lourd, c'est chiant. Par contre, il y a quelques petites phrases qui sont intéressantes. Voilà, là, on nous précise que non, Aquaman ne parle pas aux poissons, voilà, et que même ça, il n'est pas capable de le faire. Intéressant. Puisque du coup, on nous parle du fait qu'il n'est pas aimé par le peuple, etc. Alors que pourtant, il est super badass, il est super cool, etc. Enfin voilà. Ça revient. Moi, le truc qui m'a surpris, c'est vraiment cette phrase où on te dit que Aquaman, pour être là où il est, il a dû ignorer plein de choses parce qu'il règne sur un domaine tellement vaste qu'il peut pas tout faire et que du coup, ben voilà, pour faire ce qu'il fait en ce moment-là, il a dû ne pas aller à tel endroit, ne pas aller à tel endroit, ne pas aller à tel endroit et laisser un bateau de migrants couler en pleine Méditerranée. Et Ouais. ça m'a vraiment surpris que dans un comics DC, on adresse un phénomène de société, un fait de société actuel, la crise des migrants en Méditerranée et toutes ces personnes qui meurent. Et alors déjà, le fait qu'Aquaman laisse ces gens mourir, ça peut être quelque part choquant. Mais en plus, le fait que ce soit un truc réel de notre vraie actualité, quoi, qui soit traité dans cet univers d'ici, bah moi ça m'a marqué. Bah oui, c'est pas souvent. C'est hyper rare et enfin, je m'y attendais franchement pas. Et puis tout le comic tourne autour de ce dont on va parler d'un Amnette plus tard, c'est-à-dire Aquaman qui veut vraiment lier le monde sous-marin avec le monde de la Terre et avoir une ambassade d'Atlantide sur la Terre, etc. Et voilà. Et il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui vont mener des actes bah, terroristes, hein, tout simplement, hein, pour empêcher Aquaman de faire ça. Donc c'est intéressant, mais c'est dommage que ce soit aussi mal raconté. Wonder Woman Rebirth, qu'est-ce que je vais retenir de ça? L'utilisation du lasso qui est hyper intéressante. Wonder Woman invente un truc, là, elle utilise le lasso, enfin c'est la première fois qu'elle utilise le lasso de cette manière-là. Et c'est pas con pour nous raconter des trucs d'avoir cette utilisation-là. C'est Greg Rucka qui scénarise, après pour le reste c'est très introductif, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Oui, il y a un secret dans sa vie. Voilà. Bon, ben, revenez au numéro 1 si vous voulez en savoir plus. Il n'y a pas, y a pas grand-chose, quoi. Par contre, Flash Rebirth numéro 1. Le gros coup de cœur total, c'est-à-dire que dès la première page, on nous présente une enquête. Une femme, mère de famille, vient de mourir sous les yeux de son fils. Oh. Et en fait, tout le monde croit du coup qu'on nous re-raconte l'origine de Barry Allen. Et en fait, non, pas du tout. C'est dans le présent et c'est une enquête sur laquelle Barry Allen va travailler. Donc, je D'accord. vous le dis déjà, je me suis fait baiser dès la première page. Ouais, mais Je évite de pensais dire ça. on allait me re-raconter ça. Et en fait, bah, dès la fin de cette page, bah, tu t'aperçois que non, en fait. D'accord, bah c'est plutôt intelligent. Du coup, c'est plutôt cool. Donc, bah, Barry va enquêter sur cette enquête qui va lui rappeler forcément la mort de sa mère. Donc, du coup, bah, ça va avoir des impacts, hein, sur sa manière de conduire cette enquête. J'en dis pas plus. Et puis pendant cette journée-là, Barry va avoir des flashs, va avoir des visions. Et c'est pas trop ce que c'est que ces visions-là. Il voit un mec en costume de Flash, mais qu'il connaît pas. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ouais. Voilà. Et on va reprendre, en fait, bah, ce qu'on n'a pas vu dans DC Rebirth numéro 1. On va avoir un peu le contexte autour de cette scène. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est vraiment un comics qui fait suite à DC Rebirth numéro 1, qui reprend des éléments importants. Le retour de Wally West, maintenant bah, tout le monde le sait de toute façon, et on va voir bah, ce qui se passe après ce passage-là, ce qui s'est passé avant, pourquoi il se retrouve là, etc. Donc ça c'est hyper intéressant, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que ça fait suite aussi au cliffhanger de la fin de DC Universe Rebirth numéro 1. Oh, dix Ouh. ans pas plus. Voilà. C'est-à-dire que bah, dès le Flash Rebirth numéro 1, Williamson nous parle de ce fameux cliffhanger, et l'enquête va commencer. J'en dis pas plus. Mais D'accord. je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à voir Wally West déjà dans ce numéro. Je m'attendais pas à ce que ce fameux cliffhanger soit adressé aussitôt dans l'univers DC Rebirth. Et ça m'a surpris. Et clairement, Flash va être une série À centrale suivre. dans cet univers. Flash et Wally West. puisqu'il est là aussi dans ce numéro. Ok, bah j'ai qu'une envie là, c'est de l'avoir entre les mains Donc et du coup, pouvoir le lire. c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Vraiment, il est incroyable ce Bah, numéro. déjà que enfin moi, le pitch de base quand ça avait été présenté par DC, franchement, c'est certainement l'un des titres. J'ai dit celui-là, je veux le lire, absolument. Mais là, avec ce que tu dis, Alors là, c'est. du coup, on n'est pas encore dans cette fameuse Mais histoire de la foudre qui va frapper et ouais, qui va c'est faire étonnant, ce mais à qu'on la s'est raconté. rigueur. Mais on est dans autre chose, et voilà. Et si, en fait, cette fameuse histoire qu'on nous avait racontée au début, c'était qu'une intrigue secondaire? Oh, ça serait fort. Et qu'on suivrait plutôt l'enquête autour de ce qui se passe dans Universe Rebirth. Je sais pas, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, gros coup de cœur pour Flash Rebirth numéro 1, coup de cœur aussi pour Action Comics, ne serait-ce déjà pour avoir un numéro 957 sur la couverture. Ben c'est... C'est bonbon. Ouais, carrément. Et puis en plus pour l'histoire, enfin voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour les autres titres Rebirth, il y en a un peu moins cette semaine. Et puis pour le Mac classique, évidemment, bonne semaine et à bientôt. Salut.